mon amour, s'il faut nous en retourner, je referai le même parcours, mon amour. Comme un enfant sauvage, tu traverses tous les âges. Et s'il te faut choisir une cage, avec toi je la partage. Toujours pardonné, oh, tu m'as tout donné, mon amour. S'il faut nous en retourner, je partage le compte à rebours, mon amour. Comme un enfant sauvage, j'ai traversé tout. S'il me faut choisir une cage, avec toi je la partage. Shine.